bien serré. Les sauvages n'ont pas tant qu'il est assuré. Les camarades que le front rouge et l'action fusillée. Marchand d'esprit dans nos rangs. En résalé. En résalé. Là où il appartient au bataillon brun. Là où il appartient à l'homme. Des sections arceaux. Plein d'espérance déjà des millions de moyens d'intrastiquants. Le jour de liberté n'est pas assez levé. En résolé. En résolé. En résolé.